consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel et bonsoir chers auditrices et auditeurs. Eh bien Marc, ce soir on commence avec une nouveauté de The Samurai of Prague. C'est le plus récent album A Quiet Town. On vous avait déjà présenté un extrait, on vous en présente un second, The Solution Part 2. Et puis on vous présentait la semaine dernière un premier extrait du nouvel album de Semiramis, un retour après 50 ans, un demi-siècle, et oui, avec l'album La Fine Non Esiste. Ben, on vous présente un second extrait de cet album retour. Et puis Marc, après on se dirige du côté des États-Unis. Oui, en effet, on aura un extrait du nouvel album de Kemono. C'est tiré de leur plus récent album, Mind Out of Mind, leur second. Leur premier était paru en 2021. Ce sera suivi d'une pièce de la formation Curse Pink, tirée de leur nouveau EP, qui a pour titre Historical Blunders. Et on aura pour vous la pièce Resurrection en spectacle. Mais pour débuter ce bloc musical, comme vous le disait Michel, on débute avec une nouvelle pièce de la nouveauté de The Samurai of Prague. Factories, engineer factories that produce fragrant aromatic soaps. You found the perfect place right here in North Florida for the plant that provides you with the questioned you today. You listed all those types, all those desperate people that belong to. Now, how did you refer to them? Oh, yes. The scourge of humanity. But I wonder why, of all of them, that you failed to mention. what can be manufactured from the oil that's extracted from sassafras. Substances for the pharmaceutical industry. Safrole is one of these. With safrole you can synthesize something that we are finding interesting. Methylene dioxymethamphetamine. Methylene dioxymethamphetamine. Methylene dioxymethamphetamine. Methylene dioxymethamphetamine. To the engineer, he's gonna tell me what my friend wanted to tell me this morning. We have a lot to talk about. senza notti nel nord, nutrirmi di sole albe. Sono io Oh, lies in the world. again lead us through your narrow ways. We've lost our direction. Lead us through your resurrection. Shine again, we will follow, we'll obey. Courageous behind. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Jusqu'au 24 février, l'église Saint-Charles de Limoilou est investie par une communauté improbable. 14 artistes, un oiseau et une panoplie de concepteurs multidisciplinaires vous feront vivre une expérience de cirque festive et d'envergure. Tous les soirs de spectacle, 10 billets de dernière minute à 50% vous attendent à la porte. Premier arrivé, premier servi. Venez vivre l'expérience Grand-Messe jusqu'au 24 février à l'église Saint-Charles de Limoilou. machinedecirque.com. Quelle est votre maison de la littérature? Une maison pétillante? Une maison poétique? Une maison bibliophile? Découvrez votre profil et les différentes activités qui vous ressemblent sur maisondelalitterature.qc.ca. Palavra pede poesia, nunca pede poesia. Cet hiver, les femmes sont à l'honneur au Palais Montcalm. Véritable femme orchestre, la chanteuse et guitariste brésilienne Badji Assad. L'ensemble Cordam et la chanteuse Cora Ligan offrent un hommage aux grandes poétesses à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. La flamboyante Julie Aubé, connue pour sa participation au sein des Hey Babies, présente ses compositions country rock. J'aime le beau temps, j'aime le printemps, quand ça tombe à chaud. L'américaine Kaki King réinvente la guitare à sa manière et s'impose par son approche singulière et son style percussif. Détails au palaismontcalm.ca. Oh yeah! Oh yeah! Le petit village forestier de Hamelin vous convie à sa traditionnelle fête du mardi. Au programme, dégustation de spécialités régionales, chansons festives, moitié-moitié, danses digestives et autres frivolités. Mais surtout, aucun dérapage, aucune arrivée impromptue et aucun voyageur mystérieux. Jamais. Car à Hamelin, tout va parfaitement bien. Toujours. Bon réveil, Hamelin. Une création collective définissante et définissante du Conservatoire d'art dramatique de Québec, librement inspirée de l'univers des contes folkloriques et mise en scène par Alexandre Fecteau. Du 27 février au 3 mars, au Théâtre du Conservatoire. Billets en vente au conservatoire.gouv.qc.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Terra Incognita se poursuit avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau et on donne le coup d'envoi de ce second bloc avec RPVL, un extrait de l'album Tales from Outer Space. Et bien évidemment, vous devez le savoir maintenant, RPVL, la formation allemande, va nous visiter au mois de mai, les 17 et 18 mai pour être plus précis. Et le groupe se produit à la Chapelle Spectacle. D'ailleurs, les billets sont en vente présentement. Un premier soir, un spectacle hommage à Pink Floyd où le groupe interprète intégralement The Dark Side of the Moon et Wish You Were Here. Et le lendemain, c'est la tournée Crime Scene avec évidemment des extraits du plus récent et d'autres albums dont Tales from Outer Space, dont on va avoir un extrait dans quelques instants, la pièce The Light of the World. Et puis Marc, autre invité à Terra Incognita, la 17e édition du festival. Oui, un groupe invité de l'Italie. Il s'agit de Livestream, une formation qui a vu le jour en 2006 en Toscane et qui a deux albums à son actif. Le premier, Diary, paru en 2018, et leur second, Alter Echo, paru en 2023. Donc, ils seront avec nous au Festival Terra Incognita le 18 mai prochain. On aura pour vous ce soir un extrait de leur premier album, Diary, avec la pièce Over the Rippling Waters. Et comme vous le disait Michel, on débute avec l'excellente formation allemande RPVL. We'll be right back. Time will never.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. De retour à l'émission Terra Incognita. Dans le prochain bloc musical, on aura, entre autres pour vous, la formation Lumsk de la Norvège, tirée de leur plus récent album Fremede Toner, paru en 2023, quatrième album en carrière pour ce groupe. On aura également la formation italienne Homunculus Res, tirée de leur plus récent album Echo l'Impero dei Doppi Sensi, paru en 2023 également. On aura aussi la formation multinationale Proportions et un nouvel extrait de leur nouvel album Conundrum, également paru en 2023, avec la pièce Open Your Senses. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une formation russe. Oui, il s'agit de Little Tragedies, un groupe formé dans les années 80 et qui n'a endisqué qu'à la fin des années 90 cependant. Un premier album est paru en 1999, Passions on Titanic, en 2000, The Son of Spirit, et je pourrais continuer longtemps comme ça parce que la liste est longue. Le groupe a proposé depuis 1999 pas moins de 16 albums, dont le plus récent Don Quichotte qui est paru en 2023. Et ce soir, on vous présente un nouvel extrait de cet album. En fait, je pense que c'est le troisième extrait qu'on présente. La pièce a pour titre « Don't be afraid ». Écoutez présentement Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau, et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL. Stämning av tristhet och längtan. Skönhet som bor Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Le Mois Multifestival International d'Art Multidisciplinaire et Électronique célèbre son 25e anniversaire. Performances, spectacles, expositions, ateliers et activités vous attendent du 1er au 25 février au cœur de la ville de Québec. Joignez-vous à la fête et consultez la programmation complète au moismulti.org. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation québécoise de Deep Project, projet du guitariste-compositeur Stéphane Desbiens, et ce sera tiré de leur plus récent album Find Your Son avec la pièce Tell Me. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on aura une formation de la Grèce. Oui, une nouvelle formation qui a pour nom Prisma et qui vient s'ajouter à la courte liste, mais néanmoins intéressante, la courte liste de groupes grecs contemporains. On pense à Verbal Delirium, Residuos Mentales, Cicada. Eh bien là, il faut ajouter Prisma et on va voir un extrait du premier album du groupe, Closer to Utopia. We'll be right back. there was something alive. Remember the day that we could sleep, but never dream. Electric water. dead-end societies feed from your fault. So you should know what in life is thought as granted. So humbly we owe it the precious face of sadness. Every benevolence exists for something moral. For life's last after death. Oh, now helplessly we wander. Laws are now a crime. Over them like planets, lost in space. We'll be right back. Just hold our own, that we not keep just freedom for ourselves. It is essential that we extend freedom, extend it to all the world. Buy a phone and make some friends. Text alone and pretend that life is a wonderful game. Thank you. Pour conclure l'émission ce soir, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur avec une formation originaire du Nevada, ce qui n'est pas très courant. Le groupe a pour nom Darkana et on va voir un extrait du second album paru en 2005 sous le titre de As Words, des Rise and Fall. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour samedi prochain. Restez à l'écoute. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Underneath the glass. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Vous adorez le sport? Vous êtes un fan inconditionnel de vos équipes préférées? Eh bien, ne cherchez plus! Logo Sport est la référence à Québec. Logo Sport, la seule boutique dédiée à 100% aux produits officiels de vos équipes sportives favorites. Que ce soit la LNH, la NFL, la MLB, la NBA, peu importe, nous l'avons. Mentionnez CKRL lors de votre visite pour obtenir une réduction exclusive de 15% sur tous nos produits à prix réguliers. Logo Sport, la référence à Québec pour les vrais fans de sport. 1028 rue Saint-Jean. LogoSportQC.com. T'as pas envie de réchauffer tes restants d'hier pour dîner ce midi? Que ce soit pour un dîner rapide, une réunion d'affaires ou encore pour célébrer le départ en maternité de Magali avec toute la gang du bureau, la brasserie artisanale La Korrigane a la solution. Un menu midi inspiré, réconfortant et rapide en formule entrée, plat, dessert à partir d'aussi peu que 16,50. Disponible du lundi au vendredi dès 11h30. Brasserie La Korrigane, 380 rue Dorchester dans le quartier Saint-Roch. La Rotonde et Bigicot présente « Entre ciel et terre », un spectacle qui entremêle la gigue traditionnelle au contemporain. Dans ce programme double, deux danseurs entreprennent un voyage entre l'univers nord-côtier et la science-fiction. Une soirée surprenante pour découvrir la gigue autrement. « Entre ciel et terre », du 27 février au 1er mars à la Maison pour la danse. larotonde.qc.ca. Besoin de faire entretenir votre vélo? Visitez le site Internet de Vélo Basse-Ville pour vous inscrire à notre liste d'attente et profiter de notre service de qualité légendaire. Estimation détaillée, pas de surprise. À la recherche d'un vélo pour la vie? Nous sommes détaillants des vélos de ville, d'aventure et de gravel brodés, ainsi que des vélos cargo Yuba. Orientez le quotidien de votre famille autour d'un vélo cargo plutôt qu'autour d'une voiture. Achetez en magasin et obtenez des rabais sur les accessoires et l'entretien prioritaire pour les années à venir. Faites un petit tour jusqu'au 171 Saint-Vallier-Ouest ou renseignez-vous sur vélobasseville.com. CKRL. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume.